À ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors je m'en tape de vos discours. Derrière le bonheur, moi je cours.